Bon, je vais revenir ce soir à la question de l'année, qu'est-ce qui est psychothérapeutique, et je vais parler de Lacan. Et puis je vais essayer de mettre un peu en perspective à ma façon un peu jungienne, enfin, c'est de voir l'intérêt que ça présente de prendre les choses d'une façon un peu jungienne, ce que raconte Lacan, le fait de distance, de choix que ça occasionne. Alors, chez Lacan, il y a deux positions à l'égard de la question psychothérapeutique de la psychanalyse. Alors, il y a celle que tout le monde connaît, l'énorme boulot qui est fait sur la passe, la fin de l'analyse, les limites de l'analyse, tout ce travail extrêmement sophistiqué, d'immenses textes, etc. Et puis, il y a une phrase qui n'est pas passée inaperçue, puisqu'elle est régulièrement citée, je ne me rappelle plus où elle est d'ailleurs, mais qui dit en gros qu'il ne faut pas pousser l'analyse trop loin et qu'il faut laisser l'analysant partir quand il est heureux de vivre. Voilà. La formule, c'est ne pas pousser l'analyse trop loin et laisser l'analysant partir quand il est heureux de vivre. Alors, évidemment, ça contraste sévèrement, n'est-ce pas, cette espèce d'indication pratique avec l'élaboration théorique extrêmement sophistiquée que vous connaissez. Mais en même temps, je pense qu'on peut assez... C'est pas très compliqué de fabriquer une sorte de convergence entre ces deux choses. Parce que quand on parle de ce que c'est qu'être heureux de vivre, vous notez déjà que ça ne consiste pas exactement, hein, c'est très clair, à ce qui serait simplement dans une perspective médicale de la psychothérapie, quelque chose comme la disparition des symptômes. Autrement dit, quelqu'un qui est heureux de vivre, c'est quelqu'un, comme on peut le décrire en fait dans l'univers moral qu'a laissé la psychanalyse, non pas comme quelqu'un dont les finalités rencontrent, comme chez Kant, hein, par exemple, les aspirations finales, les tendances du caractère rencontreraient l'objet qui les satisfait, ce qui est la définition du bonheur, hein, que vous trouvez chez Kant. C'est quelque chose d'un petit peu plus précis, peut-être, en même temps, qui concerne effectivement les pulsions, et qui concerne la possibilité pour les pulsions, la possibilité de rencontrer des objets, ou bien non seulement de changer de ces objets, mais éventuellement de changer de but. Et que quelqu'un qui est heureux, hein, il y a une dimension dans ce qu'on appelle l'heure, H-E-U-R, sur lequel de temps en temps Lacan revient et il souligne cette dimension de ce qu'on appelle l'heure, c'est que ça peut enfin tomber bien. Voilà. Le travail de l'analyse, c'est de mettre quelqu'un qui s'est confié à vous dans la position où non pas les choses vont aller bien, mais où les choses peuvent tomber bien. Voilà. Peuvent tomber bien. Et déjà, ça en soi, je veux dire, c'est pas du tout... c'est justement pas une promesse de bonheur. C'est une promesse de la possibilité du bonheur. C'est en même temps la promesse de la possibilité du malheur. C'est qu'il y a une dimension de contingence qui est ici absolument essentielle dans le dispositif. Alors maintenant, si je prends... c'est pour ça que je glose un peu cet heureux de vivre, parce que Lacan ne se gêne pas hein, pour parler du bonheur et du malheur dans ces termes de la rencontre de la contingence. Parce que quand vous prenez ensemble la problématique, et je crois qu'il faut la prendre comme ça pour qu'elle soit à peu près cohérente, de ce qu'on appelle la passe, de la question de la fin de l'analyse et du problème des limites de l'analyse, je crois que là, on est dans un autre type de questionnement chez Lacan. Puisqu'il y a une ambiguïté extrêmement forte dont tout analysant a se débrouillé entre la question de savoir s'il a fini son analyse ou bien si simplement son analyse est arrivée à ses limites. Et si éventuellement, d'ailleurs, la psychanalyse n'a pas atteint avec lui ses limites. Finir là, le jour comme ça, on n'y va plus, hein, pour dire des choses crûment, le jour où on n'y va plus, on peut tout à fait, et même probablement on doit tout à fait, se poser la question de savoir si c'est parce qu'on en a ras-le-bol, si c'est parce que ça ne va plus au-delà d'un certain point, ou si c'est parce que c'est fini. Et c'est pas parce qu'on peut se raconter tout un discours sur la fin de son analyse que pour autant, ce n'est pas juste qu'on a atteint quelque chose de l'ordre des limites. Et il me semble que la notion de passe, chez Lacan, est un moyen qu'il a inventé pour tenter d'aller un tout petit peu plus loin que cette hésitation entre les limites et la fin. C'est-à-dire que s'il y a une fin, alors c'est justement quelque chose qui... ça n'exclut pas qu'il y ait des limites, que ce soit une analyse qui soit limitée, hein, limitée par toutes sortes de facteurs, circonstances, symptômes, patients, analyses, tout ce que vous voulez, mais que pour qu'il puisse y avoir une fin, il faut qu'elle puisse être distinguée des limites. Et que la passe, me semblait-il, était un des moyens d'interroger la question de savoir s'il y a une fin, ou s'il n'y a jamais que des limites à une analyse. D'autant que on considère que si quelqu'un doit devenir analyste, il faudrait qu'il ait une idée peut-être plus précise là-dessus que, au fond, le partir heureux, hein, ou être suffisamment heureux de vivre. En même temps, je ne crois pas que la question de la passe suffise, puisque la question de la fin de l'analyse ou de ses limites entretient un rapport très étroit avec l'effet psychothérapeutique de l'analyse. Puisque je n'ai, pour ma part, je n'ai jamais vu personne, hein, mais je n'ai jamais entendu parler de personne finir son analyse sans faire état, ou arriver même aux limites de son analyse, sans faire état, même si c'est d'une objectivité relativement privée, relativement difficile à partager, parce qu'elle concerne justement des activités pulsionnelles qui sont très étroitement liées à la jouissance du corps, sans avoir ressenti quelque chose dans ce registre qui est psychothérapeutique. Bon. Donc dire que l'analyse ne peut pas être que psychothérapeutique, je veux bien, mais c'est une façon peut-être plus précise et plus intéressante de le dire, que c'est parce qu'elle a des effets thérapeutiques qu'on peut peut-être se poser la question de la différence entre la fin de l'analyse et les limites auxquelles on est arrivé dans le processus dans lequel on s'est engagé. Et introduire donc par là, en plus de la passe, ce quatrième terme, celle de... Il y aurait quatre choses, la passe, la fin de l'analyse, les limites de l'analyse et son effet psychothérapeutique. Et alors, il se pourrait, hein, que du coup, ce qu'on a l'impression, comme ce qu'on oppose souvent, comme ça, comme le conseil de bon sens pratique, et puis l'élaboration théorique réservée aux gens qui veulent devenir analystes, hein, il faut laisser l'analysant partir quand il est heureux de vivre, hein, faut pas pousser l'analyse trop loin, et puis, c'est ce qui veut dire donc que l'analyse peut aller plus loin que le bonheur des gens. Hein, c'est ce qui est une chose qu'il ne faut non plus pas perdre de vue, hein, c'est aussi une indication. Il y a des gens qui analysent leurs patients à mort. Hein, ça s'est vu. Enfin, c'était à la mode, c'est plus à la mode, mais on entend, il suffit des témoignages des années 70-80, on avait une impression de ce genre. Et puis le côté hyper technique, la passe, la fin de l'analyse, ses limites, etc. Les choses sont prises, à mon avis, de la même façon. Alors, je voudrais repartir du coup de cette question de la fin de l'analyse, en reprenant ce que j'avais esquissé la dernière fois sur une opposition. Je dirais du monde des mathèmes possibles, si j'ose dire, qu'on trouve chez Bion ou chez Lacan, et du type de logique, du type de mathématiques, de conception de l'infini, hein, de l'infini actuel ou de l'infini potentiel, que j'avais fortement souligné. C'est que il est certain que pour quelqu'un comme Lacan, la question de la fin ou de la limite, qui est l'objet d'une réflexion topologique extrêmement articulée, que vous connaissez, que vous avez lu mille fois, se situe dans une perspective où le type d'infini auquel on pense est un infini actuel. C'est-à-dire que toute la géométrie, la topologie, les mathèmes, l'espèce de mathématiques étranges que déploie Lacan, elle est totalement française, hein, elle est bourbakiste, strictement parler bourbakiste, et elle est prise dans cette représentation qui est très typique des années 70, hein, des années 60-70, selon lequel, finalement, il y a un ordre logique du signifiant auquel le sujet émerge, mais que cet ordre logique lui est externe, et que, alors cet ordre logique du signifiant, il est pensé en termes de logique ensembliste. Il n'y a aucun doute pour Lacan que, évidemment, les mathématiques, c'est ensembliste, c'est bourbakiste, c'est, voilà, c'est frappé d'incomplétude, mais c'est néanmoins absolument déterminant. Et ça repose sur un paradoxe qui porte sur la lettre, hein, comme je rappelle ces choses-là, la lettre qui a cette espèce de double face tout à fait paradoxale, c'est à la fois elle manque, hein, et elle est le réel. Elle est le réel qui fait buter et qui permet la constitution de ces effets de combinatoire et de circulation du signif. On a besoin de la lettre pour indiquer la case manquante, et en même temps, c'est la lettre qui est le réel même qui permet le fonctionnement du symbolique. Là, on est dans un monde très balisé, qui est évidemment extrêmement accessible aux gens qui lisaient Lacan à l'époque, puisque, au fond, toute l'épistémologie française et la philosophie française des mathématiques, ils trouvaient ça tout à fait évident. Je vais essayer de vous pointer, la dernière fois, vous rappelez, puis j'en avais beaucoup, en parlant de Bion, et en écrivant sur Bion la postface, la preuve, j'avais essayé de poser un certain nombre de jalons pour montrer la différence que c'est quand vous n'êtes pas du tout dans ce monde mathématique-là. Quand vous êtes dans le monde de Bion, qui est un monde dont je faisais l'hypothèse qu'il fallait prendre très sérieusement, aussi sérieusement qu'on le prend chez Lacan, la question de son intuitionnisme au sens mathématique. Je vous rappelle que l'intuitionnisme, alors, sous des formes que connaissait, qui sont très facilement accessibles d'ailleurs, Bion, hein, c'est-à-dire c'est celle qu'on trouve chez Poincaré, hein, notamment, qui est un penseur, qui est une sorte de proto-intuitionniste. On voit très bien que l'intuitionnisme, c'est cette idée qu'il y aurait une capacité intellectuelle, psychique, propre, hein, à la construction de la vérité, à la construction de l'argument et de la vérité, et que c'est dans une sorte de rapport à la production psychique, intuition par intuition, des étapes successives d'un raisonnement mathématique, que l'on produit une démonstration. Et que le but fondamental de l'intuitionnisme, c'est justement d'éliminer tout formalisme. Et on en connaît souvent la figure la plus simple, c'est que, par exemple, une double négation ne peut pas équivaloir à une affirmation dans ce qu'on appelle, mais tout à fait de façon trompeuse, la logique intuitionniste. Parce que si on se servait de ce type d'échange de symboles pour pouvoir poser une thèse, alors, à proprement parler, cette thèse n'aurait pas été construite. Donc il y a plein d'arguments des mathématiciens intuitionnistes pour dire que ce qui est véritablement puissant, c'est la construction par l'esprit. Alors, le grand mathématicien intuitionniste, le fondateur de l'intuitionnisme, c'est Breuer, hein. Et si vous lisez aujourd'hui des travaux de gens qui ont travaillé sur Breuer, c'est pas pour rien que c'est un contemporain de Husserl. Vous y reconnaissez cette activité créatrice de l'ego transcendantal qui produit et construit, hein, ses propres formes. C'est un idéalisme extrêmement actif et d'une très très grande puissance qui produit des résultats. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas, c'est un truc auquel les gens, j'arrive jamais à bien l'expliquer, mais la logique intuitionniste qui est cette chose qui a été créée par quelqu'un qui s'appelle Haitink. Ça s'écrit H-E-Y-T-I-N-G. Haitink, cette logique intuitionniste qui est, au fond, une théorie formalisée qui consiste à dire on va s'interdire un certain nombre de choses qu'on se permet dans les logiques non-intuitionnistes, comme par exemple, on va s'interdire dans la manipulation des symboles, je vous donne l'exemple simple, de remplacer une double négation par une affirmation. Bon. Il faut bien voir que cette logique intuitionniste est totalement contraire au projet même de ce qu'est l'intuitionnisme. C'est-à-dire que ça consiste à utiliser un formalisme, c'est donc une logique formelle, sur lequel on apporte des restrictions qui ne peuvent permettre que de béquilles ou de moyens de penser ce qui est véritablement l'activité intellectuelle de la démonstration. Et ce qu'on écrit en mathématiques intuitionnistes ligne à ligne, c'est quelque chose que l'on écrit exactement comme un phénoménologue ou searlien travaille, c'est-à-dire à mesure même qu'est produit en phénoménologie, la variation eidétique, la construction spécifique, la réitération à la découverte de l'invariant formel, qui est le travail même de l'activité de l'ego dans la production des formes. Et c'est ça dont il y a effectivement une trace écrite, mais ce qui fait la justesse du passage de ligne en ligne pour un mathématicien intuitionniste, c'est cette production par l'intuition. Et qui passe par quelque chose que les mathématiciens intuitionnistes utilisent, et qui est une technologie qu'on peut effectivement, par certains aspects, mettre en écrire avec des symboles. Il faut faire très très attention à bien penser que ces symboles ne font qu'enregistrer des actes de l'esprit, posant intuitivement, successivement les choses, et c'est ce qu'on appelle les suites de choix libres. Et à la fin donc, de ma postface à Bion, et j'avais attiré l'attention sur le fait que justement une des irréductibilités absolues de la conception que Bion se fait de l'association et de la créativité dans l'association, par opposition à la conception lacanienne de l'association qui consiste toujours à repérer ce qui se revient en cycle et ce qui est déterminé par les conditions même de la structure, elle est au cœur de la chose. C'est-à-dire que pour Bion, la productivité associative, c'est comme une suite de choix libres. C'est vraiment une libération créatrice de l'esprit. Alors, une des conséquences de la chose, alors c'est là où évidemment ça devient vertigineux, c'est que Brouwer, qui était un mathématicien extrêmement estimé, bien qu'il soit toujours considéré comme une sorte de génie absolument solitaire, a montré que les suites de choix libres, la méthode des suites de choix libres et l'activité du mathématicien allant d'intuition en intuition comme ceci, permettait de construire le continu, ce qui est le grand problème fondateur de la philosophie des mathématiques, et d'obtenir un concept du continu mathématique qui est, par certains aspects, non négligeable et qui ont une signification aujourd'hui dans certains pans de la physique, un continu plus riche que celui qui est obtenu par les méthodes ensemblistes, ou par les coupures de Dedekind, enfin par toutes les opérations qui permettent de construire le continu du réel dans les mathématiques non-intuitionnistes naturelles. Et c'est justement la très grande force de Brouwer, ce qui fait qu'il y a des brouweriens, il y a des gens qui peuvent s'appuyer tout à fait sur Brouwer aujourd'hui pour soutenir qu'il y a des arguments puissants en faveur d'un idéalisme en mathématiques, d'un idéalisme subjectif, d'une créativité de l'ego mathématique, enfin de l'ego en mathématiques au sens où Husserlien, des rapprochements très puissants à faire entre Brouwer et Husserl, c'est que au lieu d'être simplement une autre manière de voir, de dire, de verser une sorte de sauce idéaliste sur des choses qu'on peut savoir par ailleurs, là il y a création d'un savoir mathématique profondément original, inaccessible par d'autres moyens que cette démarche intuitionniste, c'est-à-dire par l'intuition. Au contraire, le monde dans lequel... Et donc là, vous voyez, la question de la créativité, la question de la potentialité, la question du développement de l'intuition comme vie en acte du psychisme introduit un tout autre monde, une créativité qui est psychique. Il faut bien à un moment dire qu'il y a du sujet. Il y a un sujet qui n'est pas évidemment le moi ordinaire, mais qui est un sujet, introduit un tout autre univers de sens que celui du monde bourbakiste où Lacan travaille sur la notion d'infini, de fini, de limite, etc. Où des notions de coupure et d'ensemble, par exemple, sont absolument naturelles et font partie des ressources permanentes du vocabulaire technique de Lacan pour penser ce qu'on appelle une analyse finie, infinie, des choses de ce genre. Alors, la conséquence, la première conséquence de cette opposition, c'est ceci, c'est que pour Lacan, le psy, le monde psy, d'une manière très, très différente de la critique que Foucault en fait au terme du pouvoir, mais le psy en général, que ce soit la psychologie, que ce soit la psychanalyse, n'est-ce pas, il préfère pas, préfère dire plutôt l'analyse, ou l'analysant que le psychanalysant, etc., le psy, c'est un fourvoiement. C'est-à-dire que fondamentalement, ce à quoi on a affaire, c'est à des corps et aux ravages divers que le fait que ces corps soient parlants exerce sur eux. Que le langage ou la langue. Et que l'âme est une sorte d'imaginarisation, de sublimation, en un sens non technique, ou la conscience, qui vient comme ça se poser pour des raisons tout à fait particulières, liées aux contraintes du registre imaginaire, mais dont la vérité matérielle reste d'être prise entre quelque chose de l'ordre du corps et quelque chose du fait que les corps humains sont pris dans cette machine parlante. Et que donc le vrai problème qui se pose à l'analyste, ce ne sera jamais un problème psychologique, puisque ce sera toujours la question de l'effet de la langue, qui va finir, comme vous savez, par écrire en un seul mot, sur le corps. D'où résultent des effets de la langue sur le corps, des effets de pensée. Des effets de pensée. Ce qui met, et j'avance bien là-dessus, parce que vous comprenez pourquoi j'y ai consacré deux minces plaquettes récemment, ce qui met le problème de l'obsessionnalité au cœur de l'enjeu. Puisque s'il y a bien quelqu'un pour qui la question de la mise en boucle de ses pensées produit un effet de capture et de captation extraordinaire, au point qu'il faut, soutient Lacan, et je vais revenir sur ce que ses élèves ont tenté d'extraire comme conseil technique pour le traitement des obsessionnels, c'est tellement captant, et c'est tellement captant pour celui qui l'écoute, voire Pierre Janet, qu'on a besoin de cette espèce de resituer quelque chose qui est de l'ordre de la langue d'un côté et de l'effet de la langue sur le corps de l'autre pour ne pas être totalement pris au piège de cette mise en boucle de ces pensées qui ne sont jamais que des, dit Lacan, des effets de pensée liés à un imaginaire qui est d'ailleurs plein d'inertie sociale, qui va loger ses pensées dans une âme, dans une conscience, dans un psychisme, etc. Et que ce serait, du coup, vous allez voir les conséquences que ça a pour la psychothérapie des obsessionnels, c'est que s'il y a bien une qui est impossible dans les coordonnées lacaniennes de psychothérapie, c'est celle des obsessionnels. Pourquoi ? Parce que la psychose... Penser une psychothérapie de l'obsessionnel, ce serait une version obsessionnelle de la psychanalyse, transformer la psychanalyse, donner une version obsessionnelle de la psychanalyse où on croirait que c'est l'âme qui a des mauvaises pensées. On croirait que c'est l'esprit qui a des mauvaises pensées. Et c'est d'ailleurs pourquoi, là encore je vous renvoie à ce que j'ai pu écrire sur la naturalisation de la psychanalyse aux États-Unis et sur la façon dont les mêmes personnes qui ont été des psychanalystes dans des années 50 et 70 sont devenus de la manière la plus fluide et la plus naturelle possible des cognitivistes et des comportementalistes. Tout simplement parce que si vous considérez que vous avez affaire à un objet psychique et que l'obsession est une mauvaise pensée dont il faut purger, en un sens presque moliéresque, l'âme, vous êtes déjà en réalité en train de faire une opération de type cognitiviste, c'est-à-dire que vous êtes en train d'éliminer les parasites mentaux, les parasites cognitifs qui affectent le fonctionnement mental. Bon. Et que donc il y a une continuité, on est dans le même monde quand on est dans cette psychanalyse psychologisante et naturaliste et dans le monde des premières thérapies cognitives et comportementales. Vous voyez, au contraire, c'est pour ça que j'hésite pas, c'est celui qui en France le fait de façon la plus impressionnante, et bon, non, c'est des souvent très difficiles, c'est quelqu'un qui s'appelle Marc Van Inten, qui était dans mon labo de philosophie des sciences, qui l'est d'ailleurs toujours à l'IHPST. C'est Marc Van Inten qui a mis très bien en évidence le caractère, l'affinité fondamentale entre Brouwer et Husserl. C'est-à-dire que Brouwer, c'est ce qui rend radicalement crédible l'idéalisme phénoménologique, husserlien. L'idée qu'il y a vraiment une productivité de l'ego, et que cette productivité de l'ego, elle n'est pas juste en train d'idéaliser ou de prendre dans un vocabulaire idéaliste des choses qu'on pourrait déterminer autrement. Elle crée des savoirs, elle crée des puissances de l'esprit, méthodologiquement, et en particulier donc cette extrêmement impressionnante théorie du continu mathématique, qui est plus riche dans sa version intuitionniste que dans sa version traditionnelle. Et par là, si je faisais ce rapprochement, c'est parce que pour Bion, pour un intuitionniste, par définition, le psy est consistant. La dimension psy, psychologique, psychanalytique, la psyché, ça existe. Et c'est même, vous voyez, quand on est radicalement intuitionniste, c'est même l'appui le plus profond que vous puissiez donner à l'existence de la psyché, c'est ça. Et donc tout ce qui fait horreur, n'est-ce pas, dans le lacanisme, hein, c'est très sensible, si vous interrogez un lacanien cohérent, il va vous dire que la psyché... Dans le pire des cas, c'est du Jung, et dans le meilleur, c'est une erreur historique liée au contexte, mais qu'on peut pas, il n'y a pas de psyché dans la psychanalyse. Au contraire, il y en a une chez Bion. Et c'est étroitement lié à la créativité, c'est-à-dire à la possibilité que l'illimité, la Peyronne, ne soit pas une confusion, mais une puissance, un ressort, quelque chose qui se développe sans cesse et qui est le mouvement créateur de l'activité psychique. C'est par là, si vous voulez, que vous avez ce que j'appelle l'épistémologisation de Mélanie Klein. Enfin, je ne suis pas le seul à employer ce genre de choses, et qui est une épistémologisation pleine de mathèmes bioniens particuliers, parce que au fond, la notion de thérapie, c'est la notion de déliaison, hein, d'analyse au sens étymologique, qui libère quoi ? Qui libère le potentiel créateur de l'activité psychique. Au sens où, quand vous écoutez, même aujourd'hui, les cliniens britanniques, quand ils discutent, ça c'est toujours extrêmement intéressant de voir ce que c'est que pour eux la fin d'analyse. La fin d'analyse, c'est une qualité associative qui est atteinte. C'est le moment où justement il y a une productivité dans la qualité associative, qui est absolument remarquable parce qu'elle est comme désentravée, et ce que le sujet peut créer psychiquement, hein, se retrouve entièrement libéré ou de plus en plus libéré de toutes les entraves qui étaient les siennes au départ de l'analyse. Le critère, c'est une qualité du flux associatif, une qualité créative. Alors, du coup, vous voyez que, bien loin que la pensée soit un effet des ravages, écoulements, tourbillons induits par la langue sur le corps, ici, la question centrale devient effectivement celle de la pensée. C'est pas un effet. Pour un bionien, ça c'est pas un terme de Bion, c'est moi qui l'avais proposé, cette distinction entre pensée-pensée et pensée-pensante, hein, la question des pensées sans penseur, par exemple, hein, fait quelque chose qui est un problème fondamental de la névrose obsessionnelle. Hein. J'ai des pensées, mais c'est pas moi qui les pense, quoi. C'est, bon, des choses de ce genre ne vont pas du tout être prises dans les mêmes coordonnées quand vous les approchez de cette façon-là. Alors... Il y a un fait singulier, alors c'est un fait que nous a donc nous avons appris, on peut le dire, hein, c'est pas un secret, donc que Rothstein, hein, comme ça, quand il va voir Bion, donc d'où va sortir ce livre complètement étrange là, que un certain nombre d'entre vous traduisent, A Beam of Intense Darkness. Quand il va voir Bion, elle fait la confidence qu'en fait il va voir Bion parce qu'il n'arrivait pas à écrire. Je connais d'autres, enfin, j'ai connu parce qu'ils ont canné ces dernières années, des patients de Bion qui ont, comme ça, très simplement dit qu'effectivement cette question de la créativité intellectuelle était la question centrale. Et qu'ils étaient allés, ils étaient souvent passés par des divans kleiniens. Mais que pour eux, cette question de la créativité était au fond restée une question, un horizon, et non un accomplissement. Et que ce qu'ils avaient trouvé chez Bion, c'était cette espèce de décoincement qui faisait que leur capacité esthétique, intellectuelle, etc. C'est étroitement lié au type de... Il ne faut pas être naïf, hein, c'est étroitement lié au type de milieu social qui fréquente les divans kleiniens, parce que vous vous rendez bien compte qu'à une heure par jour, cinq fois par semaine, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, de faire une analyse sur un divan kleinien. Donc c'est tous des gens extrêmement riches, ou de familles très aisées, ou des très hauts fonctionnaires, qui, effectivement, avaient des éducations extrêmement élevées. Bon, il faut faire très attention à ne pas prendre non plus l'analysant artiste ou intellectuel comme prototype de ce que doit faire l'analyse. Mais enfin bon, ils étaient allés voir Bion pour ça. Et je vous ferai remarquer cette chose, c'est que si vous interrogez un lacanien blanchi sous le harnais, il va vous dire que... des gens qui demandent à écrire, ça manque pas, hein, sur les divans, des gens qui aimeraient bien écrire. Mais que il est de notoriété publique que l'analyse, enfin en tout cas, c'est très sensible dans les échanges que j'ai entendus moi depuis 20 ans au fond, hein, dans le milieu sur ça, l'analyse c'est pas quelque chose qui permet d'écrire. C'est exactement l'inverse dans l'option bionienne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du rapport à la lettre, à la litturataire, au littoral, hein, comme ça, qui est pris dans des coordonnées absolument différentes. Et là, vous voyez, sur ce point de l'écriture, et notamment de l'écriture intransitive, de l'écrire, hein, ce que Lacan utilise, hein, ça ne cesse pas de s'écrire, pour penser la nécessité, la contingence, tout ça, il l'a très bien perçu, c'est tout à fait essentiel, hein, c'est-à-dire que Le littérature, pour parler comme Léris, comme dans les huit fures, hein, de Michel Léris, le littérature qui est l'expérience radicalement inhibante de l'écriture et du processus intransitif de l'écrire, est pris dans des coordonnées absolument singulières, je l'ai bien. De la même manière, faites bien attention à ceci, que Bion et Lacan terminent sur Joyce. Simplement, Lacan parle de l'écriture de Joyce, tandis que Bion écrit la psychanalyse dans l'écriture de Joyce. Ça aussi, à nouveau, c'est très très singulier. Le Memoir of the Future, hein, c'est vraiment quelque chose qui joue sur ce travail entre Joyce, Lewis Carroll, etc., qui est vraiment une activité ou d'écriture qui a laissé, évidemment... les autres pincés en nœud papillon à Londres, complètement médusés, quoi. C'est-à-dire dans quelle mesure un truc pareil. Ça. Et je dois dire que même quand on lit Rothstein, hein, le Beam of Instant Darkness, par moment, on a l'impression d'avoir affaire à un truc complètement ouf. Hein, vraiment, c'est un truc bizarroïde, quand même. Mystico New Age, enfin bon. En tout cas, voilà, hein, il y a une sorte de rapport à la transgression dans l'écriture qui est particulière. Bon, ce que je voulais marquer également pour Bion, c'est ceci. Revenons à la question de la psychothérapie de l'obsessionnel. Parce que tout à l'heure, je vais revenir chez Lacan. Il peut y avoir une psychothérapie de l'obsessionnel. Mais comme je vous renvoie à ce que j'ai écrit sur Mélanie Klein dans La fin des coupables, le moment, la raison pour laquelle il y a une psychothérapie de l'obsessionnel, c'est que l'obsessionnalité est prise dans le courant kleinien comme quelque chose qui est constitutif de, du psychisme lui-même. C'est-à-dire que la première forme que prend la position dépressive chez Mélanie Klein, c'est un mot qui passe une ou deux fois dans Mélanie Klein. Il faut surtout le reconstruire conceptuellement, parce que lexicalement, il y a très peu d'occurrences. En plus, elles n'ont même pas été traduites en français, dans le texte qui sont traduites en français. C'est l'idée d'une position obsessionnelle. Il y a une position obsessionnelle qui est justement la première forme de répétition et de séparation qui est produite pour endiguer tout ce qui sont les mécanismes psychotiques originaires. C'est par la position obsessionnelle, en quelque sorte, qu'il peut se construire un psychisme qui a rapport à un objet complet et qui n'est plus entièrement sous la dépendance des mécanismes primaires de la phase schizo-paranoïde. Et c'est ça, une chose qui est extrêmement frappante, c'est que Mélanie Klein donne une valeur positive à l'obsessionnalité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette position obsessionnelle, nous ne nous extrairions jamais de la phase schizo-paranoïde. Et c'est pour ça que d'ailleurs, cette position obsessionnelle, ou cette mise en œuvre des mécanismes obsessionnels, est essentielle à préfigure de façon tout à fait fondamentale ce qui deviendra la position dépressive ultérieurement. Donc vous savez que, enfin vous ne savez pas peut-être, mais que justement chez Mélanie Klein, la position obsessionnelle est présente chez l'enfant dans les répétitions du jeu. C'est-à-dire, c'est le jeu. La répétition, le fait de revenir sans cesse au même endroit, le forda, est interprété absolument pas comme la présentification, absentification dans l'opposition signifiante forda, mais dans la longue série du jeu, comme étant le moyen par lequel, dans la répétition, se constitue l'appropriation d'un soi, la première appropriation d'un soi. Et que ce qui fait que la répétition obsessionnelle devient pathologique, c'est extrêmement étrange, mais elle dit que c'est lorsque la compulsivité finalement reste infiltrée par la composante maniaque. Elle insiste sur ce point, c'est qu'un compulsif, ce qu'il faut voir dans quelqu'un qui est compulsif, qui se lave les mains sans arrêt, c'est que c'est une liaison obsessionnalisante de la manie, de la dimension maniaque des choses. Et que le grand travail consiste justement à faire basculer dans un dispositif d'intégration hiérarchique que vous connaissez, qui est extrêmement téléologique chez Mélanie Klein, en tout cas sur le plan de la théorie, pas sur le plan de la technique, la chose du point de vue dépressif est que la position obsessionnelle, en ce sens, devient dépressive par opposition à son pôle maniaque qui est dans la compulsivité des névrosés obsessionnels. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce qu'en anglais, c'est pas obsession, c'est compulsion, c'est la compulsivity qui est en cause. C'est beaucoup moins la dimension de la pensée obsédante que de la dimension de l'acte qui est compulsif. C'est si vous voulez, l'association compulsif obsessionnelle, elle n'est fixée que beaucoup plus tardivement, elle est fixée dans les années 40-50, à la fois dans la psychopathologie et en psychanalyse. Là, on est dans une zone beaucoup plus trouble. Une des conséquences de la chose, c'est que le jeu, qu'est-ce que c'est que la psychothérapie de l'obsessionnel ? La psychothérapie de l'obsessionnel, c'est de trouver un moyen que la dimension maniaque de sa compulsivité s'apaise sur un mode dépressif et que lui soit rendu la possibilité non pas d'être le jouet de ses pensées, mais de pouvoir jouer avec ses pensées. Et que donc la psychothérapie de l'obsessionnel, dans la tradition kleinienne, est fondamentalement centrée autour de la restitution de ce qui est perdu comme jeu au profit de la compulsivité maniaque dans le symptôme obsessionnel. Et donc, c'est par là que sont réinterprétés les souvenirs d'enfance, que sont repris les souvenirs de jeu, que sont mis en œuvre toutes sortes de jeux. On est d'entrée de jeu, c'est le cas de le dire, dans une perspective de la créativité. C'est-à-dire que il ne saurait y avoir de solution au problème obsessionnel dans la perspective kleinienne et post-kleinienne que du côté de la créativité intellectuelle, créativité ludique et du jeu, de quelque chose qui est de l'ordre du jeu. Donc, vous voyez, j'aime bien mettre en regard comme ça des gens comme Lyon et Lacan pour qu'on voit bien au fond ce qui est disponible chez l'un ou chez l'autre. C'est ça, si on peut, en oscillant d'une colonne à l'autre, on voit quels sont les choix théoriques, la profondeur des choix théoriques, et en dernière analyse, vous voyez, on s'enfonce dans une sorte de chose qui est presque une méta-métapsychologie, puisqu'on est en train là de décrire le champ des concepts disponibles, du type de représentation de ce qu'on va... Vous savez, quand on pense à psychisme, à limite, à fin, etc., les notions les univers de concepts, de sens, de catégories, à partir desquels sont construites ces différentes appréciations, et qui sont des principes de lecture de Lacan, enfin de Freud, de Mélanie Klein, etc. Alors, je rebascule du côté de Lacan, et je voudrais interroger la connexion entre l'effet psychothérapeutique de la cure, qui est, à mon avis, le quatrième terme à penser avec sa limite, la fin et la passe, ce qui en constitue, d'une manière que je n'ai jamais pu démêler dans les textes, je ne sais pas si c'est un critère ou bien si c'est un effet causal de la fin de la cure, le fait qu'elle atteint sa limite, je ne sais pas non plus, c'est ce que Lacan appelle l'identification aux symptômes. Alors, évidemment, quand on dit aux gens, vous savez, quand ça va se terminer par une identification aux symptômes, tire une pâle-gueule, en général, sur le... qui se demande bien, merde, alors moi j'étais plutôt parvenu pour m'en débarrasser. Bon. Alors, c'est sûr que ça défrise comme idée, l'identification aux symptômes. C'est un peu, si j'ose dire, la pilule est plus facile à avaler quand vous dites que ça devient un symptôme. Alors là, on est très content parce que... Bon. C'est tout de même, ça fait moins peur, ou certains. C'est l'intérêt quand même de fréquenter ce milieu depuis de nombreuses années. Moi, j'ai vu passer comme ça les critères existentiels. Alors, je pense que Thierry en a vu en passer encore plus que moi, des critères existentiels de la fin de la cure. Alors, dans les années 80, c'était super, il fallait se balader avec sa dépression post-analytique en bandoulière, parce que ça qui fait que vous ayez une sorte d'effet un peu tristounet, comme ça, d'abattement. Alors les gens vous expliquaient vraiment que ça s'est terminé à la chute de l'objet, vraiment, on avait passé dans les couloirs des congrès, l'objet avait chuté, c'était très... Ça vous fait rire, mais vous savez, quand c'est des phénomènes de groupe, ça fait froid dans le dos. Et alors, il y avait, heureusement, Mustapha Safouan avait écrit dans un livre que c'était quand même accompagné quand même d'un surcroît de phallicisme. Alors donc, les gens, ils étaient complètement déprimés, ils vous expliquaient quand même qu'ils baisaient beaucoup. Il y avait toutes sortes de choses de ce genre. Il y avait la version, depuis que j'ai fini mon analyse, je sens les choses m'affectent extraordinairement. C'est comme si un voile était tombé entre moi et la réalité, que c'est une sorte d'amplification des qualités perceptives. Ça, c'est très années 90, ça, je trouve. C'était vraiment... Et donc, on voyait... des interprétations imaginaires très, très, très fortes et qui, d'ailleurs, vous n'avez qu'à réfléchir sur vos propres affaires, ont toutes une part de vérité, il n'y a aucun doute. Il y a quelque chose de dépressif, il y a quelque chose de phallique, il y a quelque chose... Mais c'était très amusant de voir comment c'était diversement valorisé selon les générations. Je pense aussi selon la génération à laquelle appartenait l'analyste des gens qui disaient ces choses-là. Il y avait ceux qui étaient analysés par Lacan dans les années 60, et ils faisaient des patients totalement différents de ceux qui avaient été analysés par Lacan dans les années 80. C'était complètement... on a l'impression que c'était la... Mars et Vénus, les gens. Alors, comment essayer de s'orienter dans ce truc-là? Alors, l'identification aux symptômes, suffit de partir du paradoxe. C'est-à-dire qu'on vient se plaindre de quelque chose, et ce dont on voulait se débarrasser, c'est-à-dire le désir dont on ne veut pas, ce dont on veut se débarrasser, se trouve, une fois déchiffré, et un déchiffrement, je reviendrai sur cette question, c'est une interprétation qui a un effet dans le réel, ce dont on voulait se débarrasser, une fois déchiffré, restitue le désir dont on voulait se débarrasser comme une pulsionnalité qui était engluée dans un objet, qui était engluée dans un rapport particulier, un objet imaginaire, un objet narcissique, et qui est rendu en quelque sorte au patient. Et donc l'identification aux symptômes ou aux symptômes, c'est pas tellement l'identification aux symptômes de départ, c'est l'identification aux conditions pulsionnelles qui font qu'on est structurellement menacé d'un certain type de symptôme, mais que celui-ci ayant été interprété, et interprété, je vais dire là-dessus ce que ça veut dire au juste, cette pulsion est désincarcérée en quelque sorte de son mode de fonctionnement symptomatique et devient un symptôme. Par déchiffrage, il faut entendre la mise, bien sûr, la mise en relation aux signifiants fondamentaux du parcours subjectif d'un individu, mais je crois que la seule manière de ne pas verser dans une sorte d'herméneutique où, au fond, on aurait donné sens à ce symptôme, c'est que c'est pas tellement qu'on lui a donné sens, mais je préfère l'expression « on lui a rendu justice ». C'est-à-dire que ce pourquoi il y avait ça, et ben maintenant, vous vouliez savoir, vous savez. C'est pas exactement la même chose que de donner, la signification de, par des opérations de simple substitution, on remplace des mots par un autre. C'est vraiment quelque chose, on lui a rendu justice. Et nous savons tous combien il est extrêmement difficile, mais c'est quand même une opération qu'on est constamment obligé de le faire, vu que les symptômes sont culpabilisants. Une part importante de notre activité interprétative consiste justement à attaquer cette culpabilité qui sur son versant de résistance, en amenant sur un mode descriptif, n'est-ce pas, les patients à se rendre bien compte que s'ils ont fait ça, c'est pas parce que c'est des cons ou des lâches, c'est parce qu'ils ont fait comme ils ont pu. C'est cette dimension de rendre justice à la trajectoire subjective de quelqu'un et de l'amener à pouvoir apercevoir dans quoi il était pris est probablement ce qui différencie radicalement les psychanalyses de la plupart des psychothérapies correctives que nous connaissons aujourd'hui. Qui justement repose plutôt sur l'affirmation de « mon pauvre, vous n'avez pas mérité ça, je vais vous en débarrasser ». Alors évidemment, rendre justice sur les petits symptômes à 3 francs 6 sous qui sont désagréables, ça va, mais c'est aussi vrai pour le symptôme d'un grand pervers ou d'une personne traumatisée. C'est-à-dire que la manière dont elle a construit son symptôme traumatique, c'est pas une erreur, c'est de lui rendre justement justice dans le fait qu'elle a utilisé les peu de choses qu'elle avait à portée de main pour faire le truc qu'elle appelle des cauchemars ou des trucs comme ça. Et ça, s'il n'y a pas cette dimension de restitution au sens de rendre de la justice, plutôt que de naissance, on n'a pas vraiment ce qu'on appelle un déchiffrement. C'est faire perdre son caractère de chiffre incompréhensible à la présentation d'une phobie ou d'un symptôme ou d'une obsession. Alors, La connexion se fait évidemment tout à fait directement avec le mathème du fantasme chez Lacan, le S barré Poinçon de petit a, puisque ce qu'on peut appeler le critère de la cure terminée, finie, et non pas de la cure qui a atteint ses limites, c'est que le petit a, là, dans le mathème S barré Poinçon de petit a, puisse devenir autre chose, au sens fort, autre chose que ce dans quoi c'est imaginairement incarcéré. C'est par là qu'au fond, ce qui est restitué au sujet de son rapport à la jouissance, de la possibilité qui est contingente pour lui de jouir de telle ou telle chose, objet, pensée, etc., c'est qu'on lui restitue alors, dans S barré Poinçon petit a, on lui restitue alors l'expérience du manque singulier qui le structure. Et que cette expérience du manque singulier qui le structure lui fait toucher du doigt son étoffe. C'est pour ça que l'étoffe de quelqu'un, c'est comme ça, ce par quoi il, à un moment, il va venir comme ça subjectivement avoir, même fugitivement, une petite surprise devant l'être dont il est fait, en tant qu'être de parole, est étroitement lié à cette possibilité de désigner la place où viendront ces objets, qui est une place contrainte, mais qui n'est pas une place saturée, et qui laisse autre chose que ce qu'il avait l'habitude d'y voir revenir constamment se produire. Et le corréla de cette chose-là, qui va nous intéresser beaucoup pour le problème que pose la cure de l'obsessionnel dans la représentation lacanienne des choses, c'est que le grand obstacle, l'obstacle psychothérapeutique, c'est celui que dresse la résistance du psychanalyste dans cette dernière phase. Puisqu'au fond, ce qui est très difficile pour l'analyste dans les dernières phases d'une analyse, c'est de déchoir. Alors quelquefois, on a du bol, les patients, ils ne reviennent pas, ils disent « j'ai compris, merci, au revoir », une phrase, etc. Donc voilà, le deuil est rapide, on passe au suivant. Enfin, il y en a d'autres qui sont pris dans ce dispositif qui est particulièrement séducteur et inquiétant, puisque par certains aspects, l'analyste, il sait quelque chose, il a une clé, il a ce temps d'avance quelquefois. Qui est, pas toujours, mais enfin bon, il a quelquefois ce temps d'avance, et qu'il est extrêmement difficile pour le patient, pour l'analysant, de laisser l'analysant s'apercevoir de ce par quoi il est régi lui, c'est-à-dire que le petit a, ce sera toujours autre chose maintenant que ce que c'était là-dedans. Et vous savez, par exemple, que Lacan, tout le monde l'a... Lacan avait un mal absolument épouvantable à laisser partir les gens. C'était vraiment... Il les rappelait. C'était quelque chose d'extrêmement pénible. D'autant que Lacan n'oubliait pas de dire... C'est même Lacan qui dit que le silence de l'analyste, c'est le silence de l'amour. Hein, c'est le fait qu'on... C'est la part d'amour qu'il y a chez l'analyste. Hein. C'est que les gens, c'est vrai que les patients, bien souvent, ils mettent ils apportent sur le divan le meilleur de ce qu'un être humain peut apporter. Hein. Et que c'est très. Et que quand on se tait, on tait l'amour du côté de l'analyste. Quand on se tait, on tait l'amour. C'est ça que Lacan l'a écrit. Mais on voit bien pourquoi, parce que tous les gens qu'il appelait la nuit, là, comme ça, dont il demandait des nouvelles, en disant « non, il faut qu'ils reviennent », etc., etc., on sentait bien qu'il y avait était particulièrement engagé dans ce dispositif-là. Alors, vous voyez, la question du dégagement de l'objet petit a, hein, c'est quelque chose qui ne laisse pas indemne celui qui a été pris dans l'opération et qui, en dernière analyse, va être celui qui est laissé tomber. Alors souvent, ça se récupère, alors on écrit des choses sur l'écart, etc. Bon, on essaie de... Ça amène à distinguer trois choses, je crois, sans lesquelles, vraiment, je crois qu'on ne peut pas vraiment bien penser ce que c'est que cette identification aux symptômes. C'est que dans la phase de résolution du transfert, il faut distinguer, je crois, quelque chose dont l'analysant fait relativement bien, facilement... l'expérience qui est la perte d'une certaine jouissance. Il faut vraiment qu'ils soient complètement obtus, les patients, hein, pour pas voir que la castration, c'est justement ça. Ce qui est beaucoup plus subtil et qui nécessite une interprétation dans la résolution du transfert, c'est d'indiquer, de faire voir toute la jouissance qu'il y a à perdre. Pas simplement la perte de la jouissance, il y a une jouissance de la perte. De la même manière qu'il y a des affects ravageants et délicieux et exquis dans le grand deuil. Et que la résolution du transfert ne se fait que par un bouclage très particulier qui est celui de la perte de la jouissance de la perte. Et ça, qui est, je crois... Et alors pourquoi j'insiste beaucoup sur ce point ? Parce que le moment où les choses virent au vinaigre, c'est-à-dire à l'identification imaginaire à l'analyste, surtout quand on veut devenir analyste, c'est qu'il est très très difficile dans cette jouissance de la perte. Voilà, j'ai découvert ce que c'est que... J'ai senti du doigt ce que c'était que la castration dans le champ de l'autre, etc. De ne pas travailler sur le mode d'une complicité. Une complicité dans l'interminable entre le psychanalyste et son patient. Et c'est là, dans ces lieux d'identification imaginaire à l'analyste, en tant qu'analyste, puisque ce n'est pas au moi de l'autre qu'on s'identifie, c'est à l'analyste en tant qu'il peut provoquer cette expérience singulière de libération, de lever des symptômes, etc. C'est à ça qu'on s'identifie. Et donc, c'est parce qu'il y a eu analyse qu'on peut éventuellement s'identifier à son analyste en tant qu'analyste. C'est dans cette zone trouble de la jouissance de la perte, qui parfois se dissimule sur le mode de « c'est une horreur, c'est horrible ce que j'ai découvert », etc. Bon. Ce que j'appelle la perte de la jouissance de la perte, et qui signe le moment de résolution du transfert, qui n'a pas d'ailleurs besoin de l'analyste. Hein. En général, les gens, quand la jouissance de la perte, ça va 5 minutes, et puis au bout d'un certain temps, ils s'en vont tout seuls. Mais ça peut arriver 20 ans après l'analyse. Hein. Catherine Millot raconte ça. Hein, c'est 25 ans après avoir quitté Lacan que tout d'un coup, l'analyse s'est finie. Hein. C'est que la perte de la jouissance de la perte... Ce qu'elle raconte, des histoires d'amour, des choses de ce genre, c'est vraiment un truc. Faut surtout pas s'imaginer que c'est pris dans un processus de séance qui se succède les unes aux autres. Il faut parfois même des événements particuliers de l'existence pour que ça puisse se produire. Mais c'est le moment où, du coup, alors, comme dit Winnicott, on va avoir cette capacité à être seul. Ou comme je préfère le trouver chez Bion, ce que Bion appelle la negative capability. C'est la negative capability. Alors là, c'est peut-être la manière en anglais, en bon anglais de Keats, de nommer S. Poinçon de petit a. Au sens où, justement, ce petit a peut être toujours autre chose. Et que c'est une puissance, c'est là où perdre est devenu une puissance. Perdre est un verbe qui, dans ce cas-là, connote une capacité négative. La puissance de perdre, c'est une formule de Lacan qui est quelque part dans les écrits, dans une page où c'est une deuxième ligne, je n'ai jamais retrouvé la page, je vois la page, je ne vois pas le numéro. La puissance de perdre, hein, c'est une formule que j'ai trouvée absolument admirable, qui est vraiment ce qu'on trouve dans la negative capability bionienne. Et qui est... Alors, comprenez bien pourquoi, du coup, la question de la passe, c'est une espèce de fantaisie délirante, sociologique de Lacan, ou de la curiosité presque obscène de Lacan pour ce qui se passait, est-ce qu'on comprend bien que cette perte de la jouissance de la perte, elle ne peut pas être inscrite à proprement parler dans le champ de l'analyse, puisqu'elle enseigne la vraie fin? Où s'inscrirait-elle? Est-ce qu'on ne pourrait pas, du coup, faire de ce que les Lacaniens appellent la passe un lieu où soit recueillie en tant que telle cette perte de la jouissance de la perte, où elle puisse recevoir un lieu d'inscription? Et là, je crois qu'il y a eu à un moment une idée, hein, chez Lacan, de penser la fin de l'analyse. Par définition, ce n'est pas dans l'analyse qu'on la pense. Si elle peut être pensée, la fin de son analyse, si, c'est qu'il lui faut, éventuellement un autre lieu d'inscription. Bon. Et c'est très important, j'insiste sur ce mot d'inscription, parce que pour Lacan, tout ça se pense en termes de fin, de borne, de nouvel espace qui s'ouvre, c'est-à-dire dans une géométrie qui n'est pas du tout celle d'un bion, qui n'est pas du tout celle d'une ouverture infinie qui serait éventuellement, qui n'a pas besoin de lieu d'inscription, qui préexisterait parce qu'elle est déploiement. C'est qu'à partir du moment où il y a le déploiement crée l'espace même où il se déploie dans l'activité créatrice de l'esprit. Tandis que pour quelqu'un comme Lacan, n'est-ce pas, il y aurait le besoin de qu'il y ait un lieu où ça s'inscrive ce qui est au-delà du bord particulier du parcours d'une analyse. Alors, le cas critique, pour bien voir de quoi il s'agit dans ces choses-là, je crois que le cas critique, c'est la façon dont on peut extraire de différents textes de Lacan. Alors, il y a plusieurs commentateurs qui s'y sont attelés. Hein. La raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de psychothérapie de l'obsessionnel chez Lacan. C'est même, je dirais, un cas paradigmatique. Puisque l'obsessionnel, c'est celui chez qui la question du psy, de l'âme, de la conscience, de l'espace psychique à l'intérieur duquel ça tourne, ça rumine sans fin, etc., est, je dirais, phénoménologiquement au premier plan. Bon. Quelqu'un qui est emmerdé par ses pensées, par ce qu'il appelle ses pensées, hein, qui sont des formules, des phrases, etc., qui viennent le cisailler dans des parties molles de son corps, hein, les parties molles, c'est ce qu'on appelle l'âme, hein, les parties molles du corps, qui sont particulièrement, où ça crée des tourbillons et des boucles. Alors, cette pensée obsessionnelle, c'est, je rappelle, c'est une formule auquel je n'avais pas pensé en écrivant La fin des coupables, elle est en télévision, mais elle montre que quand même, les gens qui disent que je ne suis pas lacanien sont vraiment... C'est vraiment injuste, hein, vraiment. C'est la formule, c'est ce dont l'âme s'embarrasse, la pensée obsessionnelle. Ce dont l'âme s'embarrasse. J'aurais pas pu faire mieux. C'est vraiment la formule exactement. Et alors elle s'en embarrasse. Elle s'en embarrasse parce que elle s'en embarrasse sous la forme d'une conscience qui met en abîme ses propres ruminations infinies. Parce que cette conscience n'est rien d'autre que le miroir d'une forme d'indivision du sujet. Si on a besoin de l'âme, ou si on a besoin de la conscience, c'est parce que soit l'acte de conscience est simple et indivisible, soit parce que l'âme est substantielle, mais en tout cas, il y a quelque chose ici, une identification, un rabattement radical du « je égale moi », qui produit sa solitude absolue. Évidemment, ce « je » égale « moi » rencontre en lui le « tu » sous un mode essentiellement persécutant. Le « tu dois rembourser 3 couronnes 80 au capitaine, sinon il arrivera quelque chose à la dame et à ton père ». L'irruption de ce « tu » dans le « moi » est totalement intraitable dans cet espace psychique. Une des questions que je soulève, c'est que ce que Lacan identifie très bien, ce dont l'âme s'embarrasse, ou la pensée obsessionnelle, ce dont l'âme s'embarrasse, c'est très XVIIe siècle. La conscience, c'est évidemment tout ce qui est janécien et de cet ordre-là. Mais dans le régime que j'essaie de, dont je suggère l'éventuelle existence, que j'appelle l'autonomie-condition, les modalités de l'indivision subjective, enfin de la récusation de la division subjective, sont tout à fait particulières. C'est-à-dire que ça serait beaucoup moins une expérience de la conscience que, justement, une expérience de l'autonomie, une expérience de l'agentivité, une expérience de l'initiative, beaucoup plus que de l'âme ou de la conscience, et que le corps, c'est une des raisons pour lesquelles la compacité du corps le ravage sur un mode hypochondriaque, comme dans le cas de Paramore, par exemple, que j'ai longuement analysé, c'est-à-dire que c'est plus exactement mon image, en quelque sorte, qui va être en cause, c'est les vécus sensoriels du corps. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut rentrer dans les détails de cette question de l'historicité des obsessions et de l'obsessionnalité pour apercevoir les modalités de cette compacité qui s'oppose absolument à la division subjective. Alors du coup, comme je disais tout à l'heure, le ravage du langage ou de la langue sur le corps devient une douleur spécifique dans ses effets de pensée. L'obsessionnel, c'est celui qui exprime le plus clairement, le plus nettement. C'est même, à la limite, il n'y a pas une théorie de l'obsessionnel. C'est l'obsessionnel qui est le paradigme de ce dont parle Lacan. La langue, les formules, par exemple, des obsessions qui lui cisaillent la tête, lui prennent le corps, lui prennent son imaginaire, produisant des effets de pensée. Et ces effets de pensée tournent dans, sans cesse, pour réparer l'attentat qui est fait contre le moi. Et qu'est-ce que fait cette pensée effet ? Cette pensée effet, son travail permanent, ça consiste à faire avec l'autre de l'un. Là où il y avait un autre barré, là où il y a un autre barré, un autre incomplet, etc., elle va, de toutes les manières possibles, essayer d'en faire un un total. Alors, il y a deux options, selon les différentes versions que vous en trouvez dans la littérature lacanienne, de ces choses-là. Il y a deux versions. Il y a une version côté père et une version côté mère de cette transformation du grand autre en un un, auquel les pensées, par le systématisme, par exemple, ces forces de... le rationalisme morbide particulier, par les sentiments de fatalité, de destin, d'inexorabilité, de ça sert à rien de faire quoi que ce soit, etc. Je suis entre les mains de ma mère, entre les mains, etc. Il y a deux versions de cela. Il y a le côté père qui est très freudien, celui de l'amour, et puis il y a un côté post-freudien qui engage la mère, et qui est intéressant parce qu'il permet un peu de mieux de penser, je crois, à la question de l'obsession chez les femmes. Alors, du côté père, alors, Lacan a été explicite dans son interprétation de l'homura. Ce que fait l'homura, il tue le père mort. C'est-à-dire qu'il rature là où il y avait une barre sur le grand autre. Là où il y avait barre sur le grand autre, il tue le père mort. Et tuer le père déjà mort, c'est qu'il sidère. Vous rappelez, Freud, quand il écoute l'homura, c'est qu'au bout de trois séances, il s'aperçoit que le père dont il est question, en fait, il est mort il y a certaines années, mais il suffit d'écouter le patient parler, et ça c'est quand même un effet qu'il mentionne, mais qu'on n'a pas été là pour l'écouter, mais il faut probablement que le Moura se soit exprimé d'une manière bien particulière, pour qu'on ait l'impression que le père, il est là, et qu'on est aux prises avec lui constamment, et puis tout d'un coup, on apprend qu'il a clamsé quelques années avant, quoi, et que... C'est vrai. Donc vous voyez, ce mode de présentification est très particulier et a cette manifestation hallucinatoire bien connue quand le père, il ouvre la porte sur le palier, il sent la présence spectrale du père à la Hablette, d'une certaine manière. Alors évidemment, ce père tué, ce père mort, c'est en même temps ce père auquel toute la sexualité masculine est orientée à lui lancer un défi. À ce père mort, d'une certaine manière, un peu, qui malheureusement, dans la logique que vous voyez, un père mort, c'est quand même un père vivant. Et c'est, vous doublez la négation et vous avez une affirmation, mais une affirmation sur un mode spectral. Hein, c'est, et c'est ça qui, je crois, caractérise le mieux l'effet spectral du cauchemar du père dans les hallucinations obsessionnelles type Omura. Hein, c'est qu'elle ne se pense que parce que le père mort, on tue le père mort. Et donc, d'une certaine manière, on met à mort la mort elle-même. Et ça ne fait pas vraiment une vie, ça fait une sorte de vie qui a cette espèce de caractère spectral, suspendu, mais suspendu à une opération de double négation, qui est vraiment celle qu'appréhende la question de barrer la barre, de raturer la barre. Ça produit dans l'imaginaire cet effet hallucinatoire. Alors côté mère, alors c'est plus post-freudien, mais c'est tout aussi facile à écrire en lacanien. La mère du grand obsessionnel, ce qui est impensable chez cette mère, c'est qu'elle a été et que parfois elle est toujours une femme. C'est-à-dire que ce par quoi la mère peut être désirante, et certains ont pu oser dire fort clos. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans une crispation, parce que si la mère était une femme, alors elle ne serait pas toute. Et ça, c'est, je dirais, au sens le plus cru, hein, du patoute. Hein, c'est pas un machin où il faut lire 3 bouquins de Frege pour comprendre de quoi parle Lacan. Il suffit d'écouter un obsessionnel parler du rapport totalement totalitaire, d'emprise, que sa mère a sur lui, soit parce qu'elle est obsessionnelle, soit parce qu'elle est dépressive, etc. Et il y a une chose qui est absolument fondamentale, c'est que cette mère ne peut jamais être une femme. Et que quand elle apparaît comme femme, elle apparaît comme putain, hein, ou comme vraiment victime. Mais il n'y a aucun moyen de... C'est pour ça qu'on peut presque parler de forclusion. On n'arrive pas à avoir un signifiant qui coordonne la dimension du maternel et la dimension du féminin. On n'arrive même pas à fabriquer un mythe qui puisse en tenir lieu. C'est ou tout l'un, ou tout l'autre. Et l'angoisse qui en résulte quant au rapport... notamment aux organes génitaux féminins, est bien connu, hein, c'est extrêmement anxiogène chez un certain nombre de patients. Et c'est une autre modalité, par exemple, de l'impuissance obsessionnelle que celle du côté du père. Alors, évidemment, comme tout est bien qui finit bien dans la psychanalyse, l'amour de transfert est censé vous résoudre tout ça. Hein. Ben, oui, parce que l'amour de transfert... Si c'est de l'amour, hein, et puis c'est l'amour comme le définit Lacan, là, donc c'est du sérieux, hein. L'amour comme le définit Lacan, c'est justement pas, comme vous savez, un amour de complétude. C'est un amour d'asymétrie et un amour de manque. Autrement dit, c'est dans le transfert et dans le type particulier d'amour qui est engagé dans le transfert que l'autre cesse d'être tout. Puisque s'il était tout, on ne pourrait pas l'aimer. Voilà. Je suis un peu désolé d'être un peu circulaire là-dedans, mais c'est que le transfert serait le lieu où, affectivement, serait produit lentement quelque chose qui fait que l'autre n'est pas tout. Et l'autre n'est pas tout, en particulier parce que de demandes auxquelles on pourrait répondre... il n'en a pas, ou pas trop. Pas trop, parce que ne pas en avoir, hein, pas exagérer non plus, à l'égard des patients. Enfin, pas trop. Évidemment, ce que j'ai essayé de mettre en évidence dans La fin des coupables, c'est que toute psychothérapie de l'obsessionnel, celui qui est le psychothérapeute des obsessionnels, c'est Janet. Janet était irrésistiblement poussé à fabriquer un univers de prothèses psychiques, matérielle, financière, affective, esthétique, totale autour de ces grands obsessionnels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous venez au secours de l'obsessionnel, vous ne lui laissez aucune espèce de marge, puisqu'il se remet de plus en plus entre les mains. Et que le paradoxe ultime de la chose, c'est que ça guérit les obsessionnels. Ça guérit l'obsessionnel, parce que si le psychothérapeute lui demande de guérir, mais il va le faire. Il n'y a aucun problème si on le lui demande. Mais du moment où on ne lui demanderait plus, il retomberait malade. Et c'était ce que racontait très, très simplement. Je donne toutes sortes de textes à ce sujet. C'est ce que raconte très, très bien sur la question de l'amour que les obsessionnels lui portaient. C'est ce que raconte très bien Janet dans Les Obsessions et la psychasthésie. Alors, la finesse de la chose, c'est qu'effectivement, de la manière dont Lacan pense l'amour, et je vous renvoie au magnifique livre de Jean Allouche sur ses réflexions sur l'amour Lacan, c'est que s'il y a bien quand même un critère, même s'il a énormément varié, etc., c'est cette décompacification, cette désaturation du champ de l'autre qui est la possibilité de l'amour. C'est-à-dire que l'amour vise dans l'autre quelque chose qui manque. Alors, nous le savons bien, dans la mesure où il y a, dans la pratique de l'analyse avec les obsessionnels, il y a quelque chose qui est toujours fondamentalement ambigu, qui est l'effet des interprétations. Et qui fait que quelque chose d'extrêmement agréable avant des patients obsessionnels et quelque chose de terriblement angoissant, c'est que quand on a une interprétation qui tombe pas trop mal, elle est très couramment perçue comme un miracle par l'obsessionnel. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Voilà, ça, le patient se lève, les yeux embués, etc., ça avait raison, avec quand même comme conséquence, rien ne se passe, hein. Je change rien du tout. Mais l'effet de miracle est tel qu'un certain nombre de praticiens ont pu recommander, moi j'ai vu des contrôleurs le faire, comme ça, qu'il fallait quand même être extrêmement abstinent pour ne pas trop créer comme ça ces espèces de renforcement du transfert dans sa phase de résistance, n'est-ce pas ? Puisqu'au fond, ça fait quoi ? Ça fait de l'analyste quelqu'un qui est tout puissant puisqu'il a tout compris. Mais d'un autre côté, et là, je crois qu'il faut quand même aussi pas non plus avoir peur de faire des miracles, enfin des miracles de ce genre, je ne vois pas tellement d'autres moyens de faire percevoir dans la jouissance de ce miracle à quel point c'est la langue qui se jouit dans le corps de l'obsessionnel. C'est-à-dire que je vois pas très bien. Évidemment, il y a le danger que l'analyste soit le dispensateur du sens caché, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement fort, c'est la découverte de l'effet de turbulence engendré sur le corps par la découverte d'une force incroyable d'une parole, d'un jeu de mots, d'un trait d'esprit, etc., sur le corps. Parce qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait construire, décentrer en quelque sorte la mise en boucle du discours ratiocinant, s'il n'y avait pas des moments où justement c'est dans le corps, là, comme ça, ça se met à tanguer, ça se met à pleurer, etc., sur le simple fait que certaines paroles, certains accents de voix, certaines matérialités de la langue, comme ça, viennent tout d'un coup montrer que l'esprit, l'âme, la conscience, l'autonomie, tout ce que vous voulez, est en suspens. Et qu'elle essaie peut-être de se le réapproprier. Si bien que l'effet de miracle de l'interprétation dans la cure de l'obsessionnel est aussi un moyen de très concret de faire valoir l'effet de la langue sur le corps. Et c'est, alors bien sûr, c'est ce qui fait que la résolution du transfert est si difficile, à la fois parce que les patients sont éminemment gratifiants, vous avez raison, hein. C'est des gens qui vous fournissent des scènes primitives très facilement, ils confirment les théories, c'est invraisemblable. Parce que ce qui est très délicat, c'est évidemment de franchir le pas où, au fond, ça reposerait plus sur la langue que sur la psyché. Le rapport à soi. Et où, au fond, sans la béquille de l'interprétation, un obsessionnel pourrait s'en remettre à la langue plutôt que à la réflexivité par laquelle il reconstitue sans cesse le caractère grand un, une total de l'autre. Et évidemment, les choses sont tout à fait délicates, mais il y a un critère que j'appellerais un critère modal. C'est que moi, j'ai toujours été frappé du fait que les guérisons d'obsessionnels, au sens où on parle de guérison psychothérapeutique, quoi, les gens y perdent des symptômes, ce sont des guérisons modales. En ce sens que, dans ce qu'on appelle l'identification aux symptômes dans la névrose obsessionnelle, je ne dis pas que c'est le cas pour tous, que vous ne pourriez pas me raconter des histoires totalement différentes sur tel ou tel patient, mais moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que l'obsession ou la compulsion, au lieu d'être fatale, au lieu d'être nécessaire, devient contingente. Elle devient possible. Ouais, ça peut m'arriver. Et que, par exemple, ça c'est un phénomène qui n'est pas lié, je crois, à l'opération de la psychanalyse, mais à l'état dans lequel se trouve un obsessionnel qui perd ses symptômes, parce que même les cognitivistes racontent des histoires de ce genre. C'est très banal qu'un obsessionnel, des années après, vérifie s'il a toujours ses obsessions. S'il pense à tel truc, est-ce que ça va à nouveau se remettre à la partie en vrille, comme ça? S'il prononce tel mot qu'il ne fallait pas? S'il fait tel geste qui... Voilà, est-ce que ça va se mettre à partir? Donc là, comme ça, discreto, s'il la tâte dans le noir pour voir si ça va repartir. Comme ça, son obsession, sa compulsion. Or, la seule chose auquel il est arrivé... C'est pas de la supprimer, c'est de la rendre contingente. Et vous voyez, je dirais même matériellement, c'est des années après leurs analyses, des grands obsessionnels peuvent vous dire qu'ils ont des mantismes, des visions, etc. Sauf que c'est quand même moins insupportable parce qu'ils y croient moins. Et même quelquefois, pour vérifier que c'est pas là, ils viennent la chercher, quoi. Ils jouent à la faire apparaître pour voir si ça va à nouveau repartir. Et donc l'analysant tâte comme ça pour voir s'il peut vraiment faire ça. En ce sens, mais le S barré de Poinçon petit a, la manière dont c'est désaturé dans la névrose obsessionnelle, c'est que le petit a, la possibilité de la, si j'ose dire, la possibilité de la possibilité, ou la possibilité de la contingence s'est ouverte. Là où, au départ, le patient ne pouvait qu'y croire. Alors, les exemples spectaculaires qu'on peut rencontrer en clinique, c'est notamment avec les phobies d'impulsion. Les phobies d'impulsion, quand les patients viennent vous voir, là, c'est toujours accompagné du discours « Je sais bien que je ne vais pas le faire, mais je ne peux pas croire que je ne vais pas le faire. » C'est vraiment un truc, un paradoxe wittgensteinien, le paradoxe de Bourg, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir et croire et ne pas croire, c'est complètement impossible. Eh bien si, l'obsessionnel, il vous dit, oui, je sais bien que je ne vais pas balancer mon baume par la fenêtre, mais vous savez, quand j'ai ma phobie d'impulsion, il faut que je quitte la pièce. Je ne peux pas rester dans la même pièce que mon bébé, par exemple, va me dire une mère. Eh bien, dans les phobies d'impulsion, ça ne veut pas du tout dire que les mères, ça va disparaître, l'image du gosse qui passe par la fenêtre ou du couteau de cuisine pour lui percer, pour lui trancher la gorge. Simplement, ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus, et c'est ça qui est la modalité de la... Très bizarre, au point, vous voyez, que je me suis souvent demandé si on faisait de l'imagerie cérébrale, qu'on foutait les gens, etc., puis qu'on était capable, et on le sera sans doute un jour, comme ça, de voir si les gens sont des états d'activation neuronale dans lesquels les images sont présentes. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils ne seraient pas présents, et que c'est une modalité particulière, ce n'est pas de l'ordre du réel, c'est une modalité du rapport au vécu mental, c'est la contingence s'est rouverte. C'est-à-dire qu'on peut être heureux et on peut être malheureux. Ça ne veut pas dire qu'on va l'être ou pas, mais c'est sur ce mode-là que se résout les choses. Ou comme dit Pérec, dans je ne sais plus quel texte, n'est-ce pas, il parle de son analyse, je crois que c'était avec Pontalis, hein, je ne me rappelle plus, c'est Pontalis. Oui. Il dit, à un moment, il a cette phrase extraordinaire, ce qu'a fait l'analyse, c'est qu'elle a délivré mon écriture du carcan d'écriture qui m'empêchait d'écrire. Je trouve que cette formule était extrêmement belle, parce qu'elle elle montre bien la mutation modale que c'est que la désincarcération de l'objet. Alors, je termine en conclusion sur des perspectives beaucoup plus spéculatives, plus anthropologiques, etc. Et puis, un petit peu funèbres aussi, parce que bientôt, c'est la Pentecôte, et que donc, tout ça va s'arranger. C'est que tout ça est fort joli, mais que si vous réfléchissez à tout le vocabulaire qu'a employé Lacan, ce vocabulaire du destin, de l'assomption, du chiffre de l'existence, de tout ce vocabulaire-là, c'est vraiment le vocabulaire de l'autonomie aspiration. Je veux dire, c'est un vocabulaire qui est profondément imprégné de l'existentialisme avec lequel il dialogue en permanence. Il faut bien penser que tous les jeunes gens qui vont écouter Lacan, ils sont pétris de Sartre. C'est des lecteurs de Beckett. Hein, c'est vraiment, et c'est à eux qu'il s'adresse. C'est spécifiquement à eux parce que ce sont eux qui sont les plus sensibles à l'insuffisance de la psychanalyse de l'époque. Cette psychanalyse médicale, essentialiste, biologisante, naturaliste, etc., sur lequel, évidemment, Sartre et tous les gens simplement sensibles à ce que c'est que l'existence vomissent et qu'ils dénoncent comme une idiotie. C'est à ces lecteurs de Sartre hein, que s'adresse, évidemment, Lacan. Mais il leur parle ce langage existentialiste, c'est-à-dire post-hégélien et kierkegaardien, du destin, de l'assomption, de la finitude, etc., qui est totalement celui du monde que je décris dans La fin des coupables comme celui de l'autonomie aspiration. Et ce qui fait, si vous voulez, pour moi, le rôle absolument essentiel que Lacan, il a commencé à s'intéresser à la psychanalyse à l'époque où la psychanalyse, elle était peut-être traversée d'une grande crise et mise en cause par la jeunesse et par un certain nombre d'intellectuels en France, marxistes, existentialistes, etc. Mais elle était à l'apogée de son autorité intellectuelle et morale. Et qu'à la fin, n'est-ce pas, en 1980, quand il meurt, on est vraiment, je pense, très largement installé dans une autre configuration anthropologique, qui fait que, évidemment, tout ce vocabulaire du destin, etc., a un petit côté vieux. C'est un côté vieilli, c'est un côté... On peut, il y a des tas de gens qui regonflent constamment la pompe du sens du tragique qui manquerait au sujet moderne, etc. On les voit s'épuiser comme les Shadocks, à regonfler, n'est-ce pas, l'idée que le sujet... Et qui font finalement porter à la psychanalyse, tirer la charrette des paradoxes de l'idéalisme allemand. Ben, on voit la bête fourbue s'épuiser, mais c'est très populaire. Et surtout quand c'est un matinée d'anti-américanisme. Alors, c'est très important aussi, cette notion d'anti-américanisme. Alors, moi j'ai une question qui m'a sauté au visage il y a quelques jours en écoutant quelqu'un qui fait un super métier, il dirige une unité de soins palliatifs. Donc par exemple, il accompagne les petits-enfants qui meurent, enfin des choses absolument inimaginables, des enfants qui ont des maladies métaboliques, des cancers, des choses comme ça, et en fait, qui ont 5, 6 ans, 7 ans, etc., donc, ou bien des vieillards. Et on l'avait interrogé sur la question de l'autonomie. L'autonomie des gens. Et j'ai griffonné sur une feuille de papier une question. Je me suis demandé si les analyses aujourd'hui, est-ce qu'elles nous préparent à finir en soins palliatifs? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on va nous proposer, c'est de décider de façon autonome de prolonger ou pas notre vie? C'est-à-dire que aujourd'hui, on guérit pas, mais on peut durer. On peut durer. Et on peut donc faire entrer quelque chose de l'ordre de la vie dans une zone dont ce médecin disait avec une inquiétude vraiment authentique, autant sincère, qu'il n'existe pas de mots dans la langue pour le penser. Ça m'a fait penser à un truc que j'ai connu dans les années 90, qui posait des problèmes impressionnants. C'était les gars qui étaient homosexuels, qui avaient le sida, qui venaient sur le divan avec la conscience qu'ils n'en avaient pas pour longtemps, pour se poser un certain type de questions sur ce qu'ils avaient mis là. C'était des jeunes, hein, souvent, très souvent des jeunes. Et puis, tout d'un coup, il y a les trithérapies. Et des gens qui étaient censés mourir dans un ou deux ans se sont retrouvés en vie. Quelle vie! C'est là où vous voyez l'impact des mots que nous avons pour penser notre mort et à quel point il est inscrit dans la langue profondément dans la langue, des mots comme destin, etc. L'idée que la vie, on n'en a qu'une, par exemple, et que la mort vient d'une manière sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir. La figure hégélienne de la mort comme maître absolu, n'est-ce pas ? Maître absolu parce que c'est elle qui décide quand elle vient. Et que donc l'effet de sens d'avoir une vie est à l'ombre de ce maître absolu qu'est la mort, sur lequel nous n'avons justement strictement aucun pouvoir. On est des esclaves de la mort qui ne prendront jamais la place du maître. C'est ce point-là, le maître absolu, dans la dialectique du maître et de l'esclave, c'est la mort. C'est celui qui reste non dialectique et qui permet la dialectique, qui permet le passage de la vie à la vie humaine. La simple vie de l'esclave, qui est une vie de bête, à la vie humaine, qui est à l'émergence de la conscience, de l'expérience de la conscience, du travail. Ces gars étaient presque, je pèse mes mots, plus malades de rester en vie que de se préparer à mourir. Parce qu'il n'y avait pas de mots pour, une fois que vous avez fait vos adieux à l'existence et que vous avez construit et récapitulé ces effets, vous voyez, d'après-coup, qui s'instituent dans des analyses qui étaient construites, où la terme de l'analyse, c'était simple, c'était le moment où ils allaient partir à l'hôpital et puis on allait pouvoir les resserrer la pince deux ou trois fois, et puis basta. Ils étaient embarqués, les maladies à l'époque respiratoire vous tuaient, on n'arrivait même pas à les maintenir en vie, hein. Vous vous rappelez peut-être de cette période-là. En réalité, ce modèle qu'on a vu comme ça passer, mais il se généralise. C'est-à-dire qu'on ce médecin disait, mais au fond, on demande aux gens de décider de façon autonome. Parce qu'il ne faut pas les influencer. On leur demande de faire jouer l'autonomie dans l'impensable. Il y a, du coup, si vous voulez, un bouger extrêmement impressionnant de l'articulation du nœud du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Un bouger qui est lié à l'avancée de la science, qui est lié au caractère injonctif et normatif de la décision autonome. C'est-à-dire la manière dont les gens... quel sujet va pouvoir être entendu, c'est le sujet autonome. Et on lui demande de cette autonomie, de l'exposer à de l'impensable. Et donc, l'incertitude dans laquelle les gens étaient très, très, très, très forte. Et j'avais attiré l'attention de cet homme, c'était tellement impressionnant... La qualité de son propos, il est membre du Conseil national d'éthique, de l'Observatoire de la fin de vie, c'est même le président de l'Observatoire national de la fin de vie, de lui dire, mais ce qui fait que c'est pas une carence psychologique des gens, c'est qu'il n'y a pas de mots, c'est que l'expérience même que vous êtes en train de faire, elle repousse des bornes constitutive de l'expérience humaine de toujours, donc de ce pourquoi on a été équipé pour parler, quoi, en gros. Et que là, ça faisait résonner toutes sortes de thèmes que, que j'ai évoqués et qui me paraissent être des motifs essentiels de l'autonomie condition. Il y en avait un que j'avais évoqué déjà devant vous, c'était la question du parcours de vie. On n'a plus de destin, ma pauvre dame. On n'a plus que des parcours de vie. Parce que un certain nombre de bornages de la finitude humaine, par exemple, ce pourquoi nos langues, notre culture et notre psychisme ont été façonnés par l'histoire de la culture, sont assez peu opératoires. Je lui disais que, par exemple, ça lui paraîtrait peut-être un peu moins insoutenable, cette expérience, s'il le rapportait à une expérience que nous, on connaît très bien. C'est qu'aujourd'hui, quand une femme fait un enfant avec un homme, et qu'elle a, allez, soyons optimistes, 28 ans, prendre l'âge moyen, comme ça, fait un enfant à un homme, elle sait très bien qu'elle est fertile jusqu'à vachement plus longtemps que sa mère. C'est-à-dire que le fait de donner un enfant à un homme comme ça, dans une histoire d'amour, ça engage jusqu'à quel point quand vous pouvez en avoir un autre avec un autre homme 10 ans plus tard. Et peut-être même, allez, poussons là, encore un troisième avec un troisième homme, 4 ans plus tard. Et donc vous voyez, on voit tous sur les divans des femmes exposées à ce problème très particulier, c'est qu'on peut de plus en plus refaire sa vie. Pour des raisons démographiques, pour des raisons d'augmentation, la durée de vie, la qualité, etc. Et que l'ensemble de la trajectoire qui faisait, n'est-ce pas, la trajectoire hegelienne, hein, de l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la maturité, la mort, hein, et puis les parcours qui sont accompagnés, l'inclusion symbolique des cycles de la vie à l'intérieur de ce dispositif du parcours d'autonomisation comme aspiration avec ses moments charnières, laisse, n'est-ce pas, extrêmement désemparée à beaucoup de... Et elle laisse désemparée en faisant apparaître, si vous voulez, une solitude extrêmement singulière. Je crois que c'est pour ça qu'on peut probablement pas écouter aujourd'hui une femme qui peut avoir un gamin. Elle est en analyse, elle passe à faire un gamin avec le bonhomme avec qui elle est là, etc. Voilà, ça dure depuis, etc. Mais en même temps, quand vous écoutez ça, vous dites, de toute façon, c'est pas grave, hein, dans 10 ans, elle rencontre un autre, elle pourra faire un autre enfant, si elle veut. C'est-à-dire que ça fait partie des coordonnées existentielles les plus profondes, qu'il peut y avoir plusieurs familles et plusieurs vies réellement. Et alors, qu'est-ce qui se coordonne? Ça veut dire aussi, je soulève ce point, les gens vous parlent comme ça d'une psychanalyse. Et puis, en fait, beaucoup de gens pensent qu'une psychanalyse, il peut y en avoir qu'une. Il y a des tranches, parce que la psychanalyse qu'on a finie, elle n'est pas terminée, etc. Alors, on va refaire une autre. Que nenni ! Moi, je pense qu'il peut y avoir plusieurs psychanalyses. Et je pense que c'est un des problèmes, justement, de ce que j'appelle l'autonomie condition, c'est que la fragilité et la solitude particulière des individus et le fait qu'ils peuvent refaire leur vie et voir leurs existences coupées et reconstruites dans des coordonnées signifiantes profondément différentes, juste pour un truc tout con, c'est qu'on dure plus longtemps. On dure beaucoup plus longtemps et qu'on a des options de construction de vie extrêmement importantes, joue un rôle sur l'appréciation des choses. Et que, par exemple, quand quelqu'un fait une analyse il y a 10 ans et qu'il revient, il n'est pas, comme c'était presque dans les manuels des années 60, il n'est pas évident que c'est la même analyse qui continue. Même s'il reprend l'analyse avec vous au point où il dit qu'il l'a arrêté avec le précédent. Ça peut tout à fait aussi être un simple artefact imaginaire. Il est tout à fait possible que vous ayez affaire à un sujet différent, à des coordonnées signifiantes profondément différentes. Il n'est pas du tout évident que ce qui va revenir... ça va toujours être la même chose, parce qu'il a finalement toujours eu la même enfance, la même adolescence, etc. Bon. Je ne dis pas que c'est... Et c'est particulièrement vrai avec les grandes existences amoureuses. Les gens qui ont vraiment connu dans la vie, ils ont rencontré des objets d'amour qui les ont laissés, qui les ont fait vraiment basculer. Il peut y en avoir plusieurs. Il y a là un bouger dans l'articulation du réel, du symbolique et de l'imaginaire, qui fait qu'il n'est plus si facile de dire, comme disait Lacan en parlant de Pascal, qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que la vie, on n'en a qu'une. Non. non seulement sur les bords, on risque de nous mettre dans des positions, là, quand on sera tous en soins palliatifs, là, on va rigoler, hein, avec quand est-ce que tu décides que tu lâches le morceau, hein, c'est ça. C'est ce que racontait cet homme. Hein, et dans quels mots on va se le dire? Et à qui va pouvoir entendre les mots dans lesquels on va pouvoir se dire des choses pareilles? Et puis aussi parce que les existences ont des caractères différents. Alors ce bouger est très complexe. Lacan, c'est ce que j'essaie dans la fin des coupables, de marquer. Lacan a pu s'appuyer sur ce contexte, ce que j'appelle la sensibilité existentialiste, pour penser l'analysant, au fond, on va dire, sous la forme d'un anti-héros. Et ça, c'est quand même, je dirais, une représentation très commode et très pratique. Nos patients, nos patientes, ce sont des héros, ce sont des anti-héros, parce qu'ils sont anonymes. Personne ne saura jamais par quel prodige de transformation subjective, par quelle péripétie invraisemblable, par quelle mutation souvent incroyable, ils sont passés pendant le cours de leur analyse. Bah, c'est des héros anonymes, hein, de la modernité. Donc il a offert mais que ce à quoi on a affaire aujourd'hui, c'est que si vous ne pensez pas les termes uniquement et pour tout le monde en termes d'autonomie aspiration, où il y a l'anti-héros existentialiste, alors comment on va nommer ce bouger-là? Et c'est ce sur quoi je voulais terminer, parce que c'est une sorte d'apologie pour mon propre travail, hein, ce que je vous raconte là, mais qui n'est pas, évidemment, qui n'est pas suffisante. C'est que, évidemment, il se trouve que j'avais fait une conférence il y a quelques mois pour une association psychanalytique où j'avais raconté des trucs comme ça. Et alors, j'ai eu un compte-rendu dans un arrière intime, qui a écrit un article sur ma conférence, et qui raconte, chose que j'ignorais, qu'après les gens se sont mis à se disputer, mais d'où parle-t-il? Est-ce que c'est de la philosophie? Est-ce que c'est de la psychanalyse? Est-ce que c'est de l'anthropologie? Etc. Bon, ouais. Vous voyez les questions qu'on se posait. Et j'étais très frappé d'une chose, c'est que ça n'est pas possible de penser ce que nous faisons sans enregistrer ce bouger dans RSI. C'est ça le point sur lequel je veux terminer ce soir. Que donc, c'est pas du tout faire de la philosophie ou de l'anthropologie, etc. Mais je dirais même d'une certaine manière, c'est indiquer le lieu où ce qui manque, c'est effectivement des philosophes, ou peut-être, je fais cette suggestion, des poètes, par exemple. Moi, je suis extrêmement frappé. C'est pas la forme, c'est pas dans la forme du roman que c'est peu profond. Enfin, le roman, il a tellement de formes que de toute façon, c'est même plus une forme. Mais bon. En tout cas, la question d'élever à la hauteur de quelque chose qui deviendrait dissible le bouger dont il s'agit ici, c'est extrêmement difficile. Hein. C'est pas du tout clair. Et si on n'a pas cet appui-là, si on n'a pas cet appui dans la littérature, dans les arts, dans la philosophie, dans l'anthropologie, et une anthropologie comparative, parce que ce dont je parle ne peut exister que si on compare des situations. Parce que ce dont je suis en train de vous parler, avec ces histoires de démographie, ça ne marche que si vous comparez comment des tissus sociaux différents enregistrent ce tremblement de terre au niveau de des récits. Eh bien, il nous manque. Mais c'est pas parce qu'on est nul comme psychanalyste, c'est parce que pour faire de la psychanalyse, on peut pas la faire tout seul. On ne la fera que s'il y a quelque chose qui vient nous soutenir, comme l'existentialisme, comme Beckett, par exemple, ou Sartre, peut soutenir l'articulation du discours de Lacan dans les années 60, hein, par exemple. C'est ce que je voulais terminer. Et que ce dont il y a lieu de se préoccuper, c'est que les opérations auxquelles nous nous livrons nécessitent des co-constructions que les psychanalystes ne peuvent pas faire seuls. Voilà. Bon. Une question, une remarque? Vous ne pensez pas que Houellebecq, par exemple, est quelqu'un qui... Alors, il faudrait que je réussisse à le lire, mais je n'ai jamais pu dépasser la page 2. D'accord. Duquel? Il faut aller directement à l'épilogue, alors. Mais c'est pas impossible. une aversion pour cette. Sur les domaines de la justice. Faut comment voler ça. Rien que le titre, par exemple, paraît assez congruent. C'est son étude de Lovecraft, elle a. Alors ça, ça j'ai lu ça. C'était le programme de. Voilà. Et les poèmes. Et les poèmes. J'ai fait les poèmes avant. Ah, ça va être terrible, ça. Il y a une méditation de Jean-Luc Nancy, c'est un auteur que vous n'aimez pas non plus. Si, si. Il y a une méditation de l'intrus, de ce petit texte-là, qui est une merveille là-dessus. C'est une ouverture où tout est troublé. Hein. L'agencement RSI bouge, il décrit ce moment-là. Dans ce petit livre, très court. Donc c'est le moment où on lui a plongé le cœur. Mais il ne sait plus quel âge il a. Il a l'âge de son nouveau cœur ou dans ses cœurs. L'écriture de Nancy, c'est de la poésie. En tout cas, je note que ce que vous dites, c'est vraiment tout à fait différent de tout cette espèce de discours catastrophiste sur les corps de la postmodernité, les gens qui font n'importe quoi. Moi, les transsexuels que j'ai vus, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir affaire à des gens qui étaient en train de. Non, c'est des gens qui étaient pris dans ce bouger de RSI. Alors évidemment, ensuite les gens l'imaginèrent qui peut, mais les présenter comme des incarnations de l'ubris, de la modernité, faisant n'importe quoi, décidant, etc., c'est totalement à côté de la plaque. C'est des gens qui sont pris dans ce bouger-là et dont certains inventent des solutions d'une dignité et d'une respectabilité parfaite. Il est hors de question d'aller traiter ces gens-là comme des malades mentaux ou des gens qui mettent en péril la civilisation. C'est des défenseurs, au contraire, du travail de la civilisation, dans un contexte où ça bouge tellement que les tourbillons nous entraînent dans des eaux incroyables. Pas le moins de différemment, j'ai été étonnamment surpris par un bouquin de quelqu'un qui ne se connaît pas forcément de l'argent, qui était Chloé Delhomme. Ah oui. Avec certainement pas, qui était intéressant de ce point de vue-là, justement, de point de vue du sujet qui serait toujours annulé, ce qui est très impressionnant, mais aussi mystique, ou positivement impressionnant. C'est que le problème, c'est que pour ce bouger dont je parle, c'est pas tellement il faut pas que ce soit un bouger, si vous voulez, qui soit le simple enregistrement sur un individu des ravages du temps. C'est-à-dire, il y a un peu. Je ne sais pas très bien à quoi le rapporter, mais par exemple, pour moi, la comédie humaine, c'est vraiment l'enregistrement d'un bouger fondamental. Quoi, hein, l'idée qu'il y avait la divine comédie, et maintenant c'est la comédie humaine, quoi. Et que, vous voyez, donc je n'arrive pas vraiment à le penser autrement qu'à travers des catégories qui sont probablement impropres. Mais la question de l'espace dans lequel l'épicanalyse est possible, c'est un espace qui, quelque part, doit avoir affaire avec les créations langagières, à ce niveau-là, littéraire, par exemple, si c'est de la littérature. Bon. Bien.